La science CQFD, Natacha Triou. En 13,8 milliards d'années d'existence, l'univers a traversé plusieurs étapes. Parmi elles, cette période que l'on appelle le midi cosmique. Que sait-on de ce feu d'artifice de naissance stellaire ? À 3 milliards d'années après le Big Bang, l'univers a connu un moment particulièrement prolifique. Les astres et les galaxies se formaient à un rythme effréné. Puis, quand il fêta ses 4-5 milliards d'années, ce taux de formation d'étoiles a atteint un paroxysme, à l'issue duquel la formation stellaire n'a fait que décroître, jusqu'à aujourd'hui. Le télescope spatial James Webb nous offre un aperçu de ce midi cosmique, de quoi mieux comprendre la façon dont se sont formées les étoiles dans l'univers jeune. Midi cosmique, les étoiles au zénith. Jacques Delabruy, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire international Centre Pierre Binet-Truy à Berkeley, en Californie. Et nous sommes en ligne également avec Romain Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des simulations cosmologiques à l'université de Princeton aux États-Unis. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. C'est maintenant sur notre fil @sciencesqfd. Que connaît-on des conditions qui ont signé le début et la fin du midi cosmique? Qu'est-ce qui explique la décroissance du taux de formation stellaire à partir de là? Quelles sont les particularités des étoiles formées à cette époque? Et de quel outil technique dispose-t-on pour étudier ces temps si reculés? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, comment l'univers a-t-il évolué? Pour voir l'apparition des premières étoiles, la question est posée en 1958, c'est notre archive du jour. Selon la conception de nos devanciers, la vie des étoiles était, dans une certaine mesure, analogue à celle des hommes. Tous les processus de leur vie ne s'effectuaient que dans un sens unique et ils étaient irréversibles au sens du mot qu'emploient les médecins. Les étoiles auraient passé par différentes phases de leur vie céleste. Le rythme de leur vie aurait pu, à vrai dire, différer quelque peu, mais en principe, la trame de la vie de ces prisonnières de l'espace aurait ressemblé à celle de l'homme. Seule la naissance des étoiles, de ces mystérieuses prisonnières de l'espace, demeurait toujours énigmatique. On ne cessait de se demander comment avait pu prendre naissance une étoile là où l'on prétendait qu'il n'y avait rien, là où rien ne se passait. La seule réponse alors possible à cette question troublante avait été fournie par la conception de l'univers en expansion. Cette conception avait pris naissance au début du XXe siècle sur la base de la physique relativiste. Selon cette conception, la matière tout entière et l'espace de l'univers auraient été, il y a quelques millions d'années, ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui le point de départ matériel. C'est ce point matériel qui aurait donné naissance à l'univers qui, plus tard, aurait subi une expansion et n'aurait pas cessé d'évoluer jusqu'à nos jours. C'est précisément à ce moment-là qu'auraient pris naissance toutes les principales formes de la manifestation de la matière dans l'univers. C'est également à cette époque-là qu'auraient pris naissance toutes les étoiles et leurs groupements, les galaxies. Voilà la voix du professeur Zohn, professeur à l'Institut d'astronomie Torun. Jacques Delabruy, on est donc en 1958, à l'époque on manque de connaissances sur la formation stellaire. Oui, en effet, pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose de la formation des étoiles. Je dois dire qu'on ne sait pas encore complètement la façon dont elles se forment, mais on a quand même une image un petit peu plus précise de ce qui se passe donc au cours des âges de l'univers. Romain Tessier, une réaction vous aussi sur cette archive à propos de la naissance des étoiles à partir de rien. Oui, c'est intéressant de voir aussi que les échelles de temps étaient encore mal connues à l'époque. Puisqu'il plaçait le Big Bang à quelques millions d'années, alors maintenant on sait que c'est plutôt à 13 milliards d'années. Et aussi une vision un peu naïve où les étoiles, les galaxies et l'univers, tout se forment en même temps. Alors que maintenant on sait que c'est une évolution en fait progressive, lente, avec plusieurs phases très distinctes qui s'étalent sur des milliards d'années. Alors justement, par rapport à ces échelles de temps, avant de parler de la formation des étoiles, avant toute chose, avant de définir le midi cosmique et ses caractéristiques, il faut replacer cette période dans le contexte de l'évolution de l'histoire du cosmos. Jacques Delabruy, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avant ce midi cosmique, chronologiquement, si on commence par le Big Bang? Oui, donc il y a environ 13,8 milliards d'années, c'est là que l'univers était, disons, à ses débuts. Donc l'univers était extrêmement dense et chaud. Il était sous la forme d'un plasma très homogène. Et donc il était très chaud et les atomes étaient ionisés, ce qui fait que la lumière ne se propageait pas. On avait une sorte de soupe extrêmement homogène où il n'y avait pas d'étoiles. Mais par contre, tout était très chaud. Et avec l'expansion de l'univers, cet univers va se refroidir. Et en se refroidissant, les atomes vont se constituer à partir des noyaux d'atomes et puis des électrons pour donner un univers qui va être composé de gaz neutre. À ce moment-là, l'univers devient transparent. Il est plus froid, il est aux alentours de quelques milliers de degrés. Et la lumière devient libre de se propager. Et donc, quand on regarde, nous, l'univers, on regarde dans le passé, puisque la lumière se propage à une vitesse finie. Et donc, on peut aujourd'hui décider de regarder comment était l'univers à travers les âges. Et donc, après cette période, donc quand l'univers est devenu transparent, il y a eu une période où, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de lumière. Et puis, petit à petit, sous l'effet de la gravitation, les structures vont se former et probablement une première population d'étoiles qui va émettre du rayonnement, qui va rayonniser les atomes qui se trouvent dans l'univers. Et en même temps, se forment les galaxies. Et c'est au moment où on va avoir le pic de formation d'étoiles et le pic de formation des galaxies sous l'effet de cette gravitation. C'est ce moment qu'on appelle le midi cosmique. Avant, je reviens un tout petit peu en arrière, Romain Tessier. Ce moment justement dont vous parliez des âges sombres, ça c'est jusqu'à 400 millions d'années post-Big Bang. À ce moment-là, on n'a aucune source de lumière, du moins au début. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'âge sombre. Oui, en fait, la gravité commence à intervenir à partir du moment où l'univers est redevenu neutre, comme Jacques l'a très bien expliqué. Et donc là, en fait, la seule force vraiment en action, c'est la gravité, qui lentement contracte le gaz et accumule de la matière, mais sans vraiment qu'il y ait des toiles qui se forment encore. Et ça, c'est des âges sombres, puisqu'il n'y a pas de lumière qui vient des étoiles. C'est un peu la nuit cosmique, si vous voulez. Et après, quand les premières étoiles se forment, donc là, c'est après un demi-milliard d'années, après le Big Bang, c'est l'aube cosmique, dans le sens où la formation d'étoiles se lève. Et là, on rentre dans une phase où les étoiles se forment de plus en plus intenses, de plus en plus rapidement, et pendant des milliards d'années, jusqu'à au midi cosmique, où là, c'est l'apogée de la formation d'étoiles. Alors, pour quelle raison, justement, pendant l'aube cosmique, ces étoiles se forment de façon plus intense, Romain Tessier? Donc, en fait, alors, l'aube cosmique, on a un univers qui est totalement jeune, qui est vierge de tout phénomène physique, en fait, lié aux étoiles. Et donc, en fait, on a très peu, on a du gaz, en fait, pur d'hydrogène et d'hélium, qui est issu du Big Bang. Et ce gaz, en fait, est absolument pas pollué par ce qu'on appelle en astrophysique les métaux. Et donc, c'est du gaz qui est extrêmement pur. Et les premières étoiles vont se former à partir de ce gaz pur. Et on appelle ça les étoiles de population 3. Donc, c'est les toutes premières étoiles à se former dans l'univers. Et elles vont avoir des propriétés totalement différentes des étoiles comme le Soleil, puisque c'est des étoiles qui se forment dans un gaz pur. Et donc, ces étoiles vont probablement avoir des caractéristiques et des propriétés très bizarres. On n'est pas totalement sûr de toutes ces propriétés. On n'en a pas détecté, malheureusement. Mais c'est elles qui vont vraiment initier la formation d'étoiles dans l'univers et vraiment marquer l'aube cosmique. Oui, ces étoiles de population 3 qui se sont formées durant l'âge sombre sont les toutes premières. On en a, comme vous dites, jamais observé. Leur existence reste encore à ce jour hypothétique. Jacques Delabrouille, quelles sont les différences entre les premières étoiles de l'univers formées pendant les âges sombres, les étoiles formées lors du midi cosmique, les étoiles d'aujourd'hui? On parle d'étoiles de population 3, 2 et 1. Oui, donc comme l'expliquait Romain, les étoiles de population 3 qu'on n'a pas vraiment observées commencent à avoir des soupçons, mais pour l'instant on n'a pas observé vraiment. Donc ces étoiles se forment à partir du gaz d'hydrogène et d'hélium. Et donc elles ne contiennent que de l'hydrogène et de l'hélium. Et au cours de leur vie, elles vont fabriquer des atomes lourds, des atomes plus lourds, et vont fabriquer notamment des atomes de carbone, de l'oxygène, Ce sont des atomes qui restent des atomes légers. Et donc, ces atomes, à la fin de vie de ces étoiles, vont se propager, en fait, dans l'univers, et ça va ensemencer l'univers avec, donc, ces premiers atomes qui sont nécessaires aussi pour la vie. Ensuite, la deuxième population des étoiles, ce qu'on appelle les étoiles de population 2, ce sont des étoiles qui vont se former à partir du gaz, mais déjà enrichies de ces atomes. Et donc, ce sont des étoiles qui ne vont plus être des étoiles purement constituées d'hélium et d'hydrogène. Donc, quand on va observer ces étoiles, on va voir qu'elles contiennent, et l'environnement autour d'elles contient déjà des atomes. Et puis ensuite, donc ça c'est la deuxième phase, et puis la troisième phase, ça va être ce qu'on appelle les étoiles de population 1, ce sont les étoiles qui se forment aujourd'hui, et l'essentiel des étoiles qu'on peut observer dans notre galaxie. Donc ce sont des étoiles qui se forment à partir déjà d'un gaz qui contient des atomes, y compris des atomes lourds. Donc des atomes de fer, il va y avoir du fer, il va y avoir du nickel, il va y avoir aussi, donc ça se forme en présence de poussière. Et donc ces poussières se sont accumulées à partir des atomes qui ont été formés avec les étoiles de population 1 et 2. De population 3 et 2, pardon. Oui, c'est ça. Plus le temps passe, plus l'univers s'enrichit en éléments lourds, en métaux, plus les étoiles nouvellement formées en contiennent, donc. Et pour la métaphore, on peut dire que les étoiles de population 3 sont un peu les grands-mères de nos étoiles actuelles de population 1. Oui, c'est tout à fait ça, oui. On va avoir 3 générations, grosso modo, d'étoiles. Et pour revenir justement sur ces étoiles de population 2, elles, le pic de formation de ces étoiles, c'est justement pendant ce midi cosmique, Romain Tessier. Oui, donc en fait, ces étoiles de population 2 se forment donc dans un univers qui est déjà enrichi en métaux, mais qui est quand même faiblement enrichi. Et le temps qu'il faut pour polluer l'univers avec ces métaux, avec des étoiles qui explosent en supernova, qui relâchent résultats de combustion nucléaire dans l'environnement, ça prend du temps. Et il faut donc plusieurs milliards d'années pour que tout ce gaz se mélange et ces métaux se propagent dans les galaxies. Et donc, effectivement, le midi cosmique correspond à une espèce d'âge intermédiaire, une sorte d'adolescence cosmique pour les étoiles, où les étoiles sont globalement elles sont enrichies en métaux, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et ça correspond aussi au pic de formation d'étoiles, tel qu'on l'observe depuis la Terre, et qui correspond à peu près, lorsque l'univers entre 3 et 5 milliards d'années. Donc ce midi cosmique correspond à l'activité la plus intense de formation d'étoiles, mais correspond aussi à un univers qui est enrichi de façon intermédiaire, donc typiquement population 2. Donc les deux époques sont à peu près synchronisées. Donc ce qu'il faut voir malgré tout, c'est que dans l'univers actuel, on a encore beaucoup d'hydrogène et d'hélium. C'est-à-dire que même une étoile qui est dite riche en métaux comme notre Soleil, c'est à peu près entre 1 et 2% d'atomes qui ne sont pas de l'hydrogène et de l'hélium. Et les étoiles dites de population 2, ça va être quelques ordres de grandeur en dessous, donc un dixième à un millième de ça. Quelle est l'étoile de type 2 la plus vieille connue à ce jour ? Bon, ça, j'en sais rien. Ça. Là, c'est une bonne question. Puisque les trois, on n'a pas encore mis la main dessus. Alors, en fait, ce que je pourrais dire, et d'ailleurs, c'est probablement intéressant d'en parler maintenant, parce qu'on va en parler plus tard avec la galaxie très proche de nous, c'est que ces étoiles de population 3, 2 et 1 sont vraiment définies, avant tout, avec la quantité de métaux qu'elles contiennent. Et donc, en fait, une deuxième question qui est différente, c'est l'âge. Et donc, on peut avoir une étoile de population 2 jeune, qui s'est formée récemment, et on peut avoir aussi des étoiles de population 1 qui sont très anciennes parce qu'elles se sont formées dans une galaxie qui, pour des raisons diverses, s'est enrichie en métaux très vite. Donc, en fait, la composition en métal est pas totalement corrélée avec l'âge. Alors par contre, en moyenne, c'est vrai que les étoiles de population 2 sont en moyenne plus vieilles que les étoiles de population 1. Mais on peut trouver des étoiles de population 2 jeunes, comme on peut trouver des étoiles de population 1 vieilles. Et la caractérisation de ces étoiles, ce n'est pas seulement une histoire de la période à laquelle cette étoile s'est formée dans l'histoire de l'univers, il y a aussi une histoire de la taille des galaxies. Alors quelles sont les caractéristiques des galaxies du midi cosmique et pourquoi la formation d'étoiles n'a fait que diminuer depuis ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, en compagnie de Jacques Delabrouille et Romain Tessier, nous parlons des premiers âges de l'univers et plus particulièrement de cette période que l'on appelle le midi cosmique, qui s'est déroulée 2 à 3 milliards d'années après le Big Bang. Nous venons de voir comment l'univers a évolué en passant d'un plasma chaud et dense à un univers rempli de gaz neutre. Puis comment sont arrivées les premières étoiles et la formation des premières galaxies. Jacques Delabrouille, la période du midi cosmique, ça n'est pas seulement une période de forte formation d'étoiles, c'est aussi une grosse période de formation de galaxies. Oui, donc dans tout ce phénomène qui s'appelle la formation des structures en cosmologie, ça va être l'effondrement gravitationnel de petites surdensités initiales qui ensuite vont s'agglomérer elles-mêmes pour faire des structures de plus en plus grandes. Donc d'abord peut-être une première population d'étoiles qui n'a pas été observée, et ensuite qui vont s'accumuler donc dans des gros nuages de gaz et d'étoiles qui vont être les premières galaxies, qui vont ensuite elles-mêmes interagir, rentrer en collision pour former des galaxies de plus en plus grosses. Et puis ces galaxies vont elles-mêmes s'accumuler en amas de galaxies, donc jusqu'à des gros amas de galaxies qu'on peut observer aujourd'hui, qui contiennent éventuellement des milliers de galaxies. Donc je vais laisser Romain, qui est un grand spécialiste de la formation des structures, nous en dire un peu plus. Romain Tessier. Oui, donc une composante importante aussi de la formation des galaxies, notamment au midi cosmique, c'est que il y a énormément aussi d'accrétion de gaz. Et ce gaz vient de l'univers, de ce qu'on appelle la toile d'araignée cosmique. Donc c'est des filaments de gaz assez froid, qui vont nourrir ces galaxies avec donc un phénomène qui s'appelle l'accrétion, qui est vraiment dû à la gravité qui va attirer ce gaz qui est entre les galaxies. On appelle ça le milieu intergalactique. Et donc ce gaz va être attiré vers les galaxies et va enrichir ces galaxies, ce qui fait qu'en fait ces galaxies du midi cosmique ont une particularité très marquée par rapport par exemple à la Voie lactée, c'est qu'elles sont très riches en gaz. Elles ont énormément de gaz en leur sang. Et forcément, qui dit gaz dit formation d'étoiles très efficace, très intense. Donc en fait, on a ces galaxies qui se forment par accumulation de galaxies plus petites et par accrétion de ces filaments de gaz et qui vont donner naissance à des galaxies plus grosses. Et donc en fait, le midi cosmique, c'est une espèce de point culminant dans ce scénario où on a à la fois des galaxies qui sont de plus en plus grosses et en même temps des galaxies très riches en gaz. Et donc il y a tous les éléments pour avoir une explosion de la formation d'étoiles à cette époque très particulière de l'univers. Oui, comme vous dites, ces galaxies du midi cosmique qui sont très riches en gaz, c'est vraiment là leur propriété principale. Et notamment, Jacques Delabrouille, aujourd'hui la Voie lactée a seulement 10% de gaz, mais au midi cosmique, il y aurait eu dans la Voie lactée une proportion de 50-50 entre masse de gaz et masse d'étoiles. Alors, je ne sais pas les chiffres exacts, mais effectivement, l'évolution des galaxies, ça va être transformer le gaz en étoiles. Et donc, ces galaxies vont petit à petit s'appauvrir en gaz et s'enrichir en étoiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre Voie lactée, je crois qu'on a déjà, transformé à peu près 90% du gaz en étoiles. Un autre point qui est intéressant pour les galaxies du midi cosmique, donc les galaxies anciennes, telles qu'on peut les observer donc quand l'univers avait 2 à 3 milliards d'années, c'est qu'elles sont également, elles ont accrété une grande quantité de poussière. Donc la poussière, ça fait qu'il est difficile d'observer les étoiles directement parce que la poussière absorbe la lumière émise par les étoiles et donc va réémettre cette poussière dans des longueurs d'onde infrarouges, donc qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et donc, il va nous falloir des instruments bien spécifiques pour pouvoir observer cette poussière et, de l'émission de cette poussière, déduire la quantité de formation d'étoiles. Justement, pour un peu comprendre ces galaxies, il y a un fond qui est relatif à cette période du midi cosmique, c'est le fond cosmique infrarouge. Attention, ce n'est pas du tout pareil que le fond diffus cosmologique, Jacques Delabrouille. Oui, donc en effet, le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière de l'univers. C'est ce qui a été émis quand les atomes d'hydrogène et les atomes d'hélium, initialement ionisés, se sont recombinés en émettant des photons, donc des grains de lumière, de la lumière. Le fond infrarouge, le fond cosmique infrarouge, c'est en fait la totalité de l'émission des poussières dans l'univers, donc au cours des âges. Et donc l'essentiel de ce fond vient de cette période de midi cosmique, mais donc avec des contributions de toutes les galaxies entre la formation des premières galaxies et maintenant. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement avec ce fond cosmologique infrarouge ? Alors, le fond cosmologique infrarouge, il est intéressant parce que d'abord, il permet, c'est quand même l'émission des galaxies. Donc, quand on l'observe, on arrive à détecter des galaxies qu'on n'arrive pas à détecter dans le domaine visible, tout simplement parce qu'elles émettent dans le visible, mais cette lumière est tout de suite réabsorbée par la poussière. Et donc, on ne peut pas l'observer avec des instruments dans le visible. Donc, quand on observe le fond cosmique infrarouge, on peut observer des galaxies à grand décalage spectral, donc des galaxies dans le passé de l'univers. Alors ça nous permet de voir où sont les galaxies et puis aussi de tracer, d'arriver à voir où sont les inhomogénéités d'émission. Et donc ces inhomogénéités d'émission, on les relie en fait aux inhomogénéités de densité dans l'univers. Romain Tessier ? Oui, ce qui est important effectivement avec ce fond infrarouge, c'est qu'il y a vraiment une corrélation entre le rayonnement infrarouge et la formation d'étoiles. C'est une trace indirecte de la formation d'étoiles. Sur l'étoile. Donc en fait, comment est-ce qu'on sait que dans une galaxie, il y a de la formation d'étoiles ? En général, c'est parce qu'on voit des étoiles jeunes qui viennent de se former. Et ces étoiles jeunes, elles ont une particularité, c'est qu'elles émettent un rayonnement qui est plutôt ultraviolet, très bleu, si vous voulez. Et ce rayonnement, malheureusement, est extrêmement facile à absorber par la poussière. Donc en fait, la poussière, elle va absorber ce rayonnement ultraviolet ou bleu et le réémettre en infrarouge. Donc en fait, quand on voit de la lumière infrarouge, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait de la lumière ultraviolette absorbée et réémise par la poussière. Si la formation d'étoiles s'arrête, il n'y a plus la source de rayonnement ultraviolet et donc la poussière ne va plus pouvoir absorber ce rayonnement et donc ne va plus pouvoir réémettre en infrarouge. Donc en fait, ce rayonnement infrarouge, ce fond diffus infrarouge, c'est vraiment une trace indirecte qu'il y a des étoiles jeunes qui sont enfouies dans ces nuages. Donc on ne peut pas voir directement, mais qu'on voit indirectement par la lumière infrarouge. Alors depuis, c'est à bouger. Depuis ce midi cosmique, la formation d'étoiles n'a fait que décroître. Romain Tessier, pourquoi cela décroît depuis ce moment-là ? On ne connaît pas tout, mais il y a plusieurs hypothèses. Oui, donc en fait, il y a toute une combinaison de facteurs. Le facteur le plus grande échelle, le plus, je dirais, cosmologique qui peut influencer cette décroissance, c'est le fait que on a un phénomène qui a été découvert dans les années 90, qui est que l'expansion de l'univers en fait est accélérée. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'énergie noire ou de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et donc ça, c'est un mystère total. On l'observe de façon très robuste, notamment grâce aux observations de supernova. Mais on ne sait pas du tout pourquoi c'est comme ça. Et donc c'est ce qu'on appelle le mystère de l'énergie noire qui fait que l'expansion s'accélère. Et donc en fait, quand l'expansion s'accélère, ça a un effet immédiat sur la formation des structures. Ça va ralentir la formation des structures et notamment ça va ralentir les collisions entre les galaxies qui vont devenir plus rares et ça va aussi diminuer l'accrétion de gaz frais sur les galaxies. Et ça, c'est un effet vraiment cosmologique à très grande échelle qui fait qu'en fait, les interactions entre les galaxies et l'accrétion de gaz frais depuis le milieu intergalactique sur les galaxies, tout ça va diminuer. Donc ça, c'est un premier effet fondamental. Le deuxième effet fondamental, qui est aussi assez basique quand on y pense, c'est que quand les étoiles se forment dans une galaxie, elles consomment du gaz. Et à un moment, il n'y a plus de gaz à consommer, notamment quand on compare avec la Voie lactée. La Voie lactée, il y a très peu de gaz dans la Voie lactée. Il y a 10% de gaz et il y a 90% d'étoiles dans la galaxie. Ce qui fait qu'en fait, il y a un effet tout simple de logistique, si vous voulez, qui est que lorsqu'on n'a plus de gaz dans la galaxie, la formation d'étoiles s'arrête. Et donc ça, c'est un effet qu'on observe dans les galaxies les plus récentes, les plus proches de nous. C'est que il y a de moins en moins de gaz disponible, et notamment parce que l'accrétion s'arrête. Et donc, ça se tarde, la formation d'étoiles se tarde. Et enfin, la troisième hypothèse, troisième explication, c'est liée aux galaxies géantes, donc qui se forment plus tard. Les plus grosses galaxies se forment le plus tard. Et donc, on parle de galaxies qui sont encore plus grosses que la Voie lactée. Et ces galaxies-là, on pense qu'elles contiennent en leur sein des trous noirs supermassifs, qui ont un effet dramatique sur leur évolution, qui est en fait de retirer tout le gaz par des phénomènes explosifs très violents liés aux trous noirs. Et donc, ce sont des galaxies mortes, qui n'ont plus de gaz, qui ne forment plus d'étoiles du tout. Et ça, c'est dû à ces trous noirs supermassifs qui vont vider ces galaxies de leur gaz. Et ces galaxies massives, elles se forment plus tard. Donc, en fait, le midi cosmique, c'est un peu la fin de l'apogée de la formation d'étoiles, parce qu'il y a tous ces facteurs, donc l'expansion accélérée, le fait qu'il y ait de moins en moins de gaz dans les galaxies à cause de la formation d'étoiles, et les trous noirs supermassifs qui vont en plus éjecter le peu de gaz qui reste dans ces galaxies, eh ben, la formation d'étoiles se tarit. Jacques Delabrouille, il y a aussi toute une physico-chimie, des processus qui se passent dans les galaxies. Oui, alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'à côté des étoiles, il y a tout ce qu'on appelle le milieu interstellaire dans les galaxies. Et donc ce milieu interstellaire, il contient le gaz dont on vient de parler. Et donc ce gaz, c'est du gaz d'atomes, mais c'est aussi des molécules. Et donc il y a des molécules qui se forment dans le milieu interstellaire, et donc jusqu'à des molécules complexes. Et ces molécules complexes vont également s'accréter pour donner des grains de poussière, des petits grains de poussière qui font disons des tailles de l'ordre du micron, des fractions de millimètres pour les plus gros. Et donc ce milieu interstellaire, on l'observe bien dans notre galaxie, on l'observe dans d'autres galaxies. Et il est important aussi parce que dans ce milieu interstellaire, on va avoir des molécules qui vont être les premières briques de formation, des macromolécules qui vont servir à la vie. Et donc on voit que dans toute cette histoire de l'univers, il y a tout un processus de formation où les étoiles jouent leur rôle, hein, puisqu'elles fabriquent les atomes, et ensuite où le milieu interstellaire dans les galaxies joue son rôle puisqu'il fabrique les molécules. Et donc on est parti d'un univers en fait où il y avait que des atomes très légers, donc atomes d'hydrogène et d'hélium, qui ensuite avec les étoiles vont former des atomes plus lourds, qui ensuite vont se combiner en molécules, en petites molécules d'abord, puis en grosses molécules, et puis ensuite à un moment, ce processus-là va aboutir à des formes chimiques complexes, notamment la vie. Romain Tessier, cette formation stellaire ne cesse de décroître, mais jusqu'à quel point? Est-ce que arriverait-il un moment où il n'y aura plus aucune formation d'étoiles nulle part? Oui, donc c'est la grande question de quel est l'état final de l'univers. Donc là c'est un peu déprimant. Hein. A priori, tout dépend de cette expansion, cette accélération de l'expansion qu'on a détectée donc depuis justement. Enfin, qui commence à vraiment jouer un rôle depuis le midi cosmique, elle va continuer. Donc, si cette expansion accélérée continue à être encore plus accélérée, on va vers un univers, effectivement, où les galaxies vont s'éloigner de plus en plus les unes des autres, de plus en plus vite les unes des autres. Et à part les galaxies que la Voie lactée a déjà réussi à capter, et probablement la galaxie d'Andromède, hein, qui se rapproche de nous dangereusement vite, mais au-delà, il va plus y avoir d'interaction entre les galaxies, donc on va plus vraiment accréter de galaxies satellites. Le gaz frais la source de gaz frais va se tarir, et donc en fait on a une galaxie qui a plus aucun gaz frais qui vient de l'extérieur, et donc la formation d'étoiles dans le milieu interstellaire va tranquillement épuiser tout le gaz disponible, et à ce moment-là on se retrouvera avec des galaxies avec uniquement des étoiles très vieilles, rouges, plus de gaz, petit à petit une décroissance lente et inexorable de la formation des étoiles dans l'univers. Bon, avant de se projeter dans l'avenir, on va continuer de parler de ce midi cosmique. Cet âge reculé, nous avons une fenêtre d'observation sur lui avec une nébuleuse proche de nous qui ressemble à l'univers à cette époque. C'est la nébuleuse NGC 346, nichée dans le petit nuage de Magellan. Restez avec nous, on vous raconte tout dans quelques instants. Was from another time. En direct sur France Culture, Jamiroquai, car nous parlons non pas de Cosmic Girl, mais de Cosmic Noon, de Midi Cosmique, en compagnie de nos deux invités du jour, Jacques Delabrouille, astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire international Centre Pierre Benutry à Berkeley en Californie, et avec Romain Tessier, spécialiste des simulations cosmologiques à l'université de Princeton aux États-Unis. Nous venons de parler du début de cette période, 2 à 3 milliards d'années après le Big Bang, où les galaxies formaient des étoiles à un rythme effréné, et de ce moment où la formation stellaire commença alors à décroître. Romain Tessier, on a justement un aperçu de ce midi cosmique grâce au télescope spatial, le James Webb Space Telescope, en 2023, avec cette photo de l'AMA NGC 346. Pourquoi étudier cette région-là du ciel? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant justement avec cette constellation? Oui, donc... alors, le télescope James Webb, peut-être un petit mot d'abord. Donc, c'est un télescope infrarouge. Et donc, pour rejoindre la discussion qu'on a eue avec Jacques, c'est justement l'outil idéal pour aller regarder à l'intérieur des nuages la formation d'étoiles en action. Donc, en fait, alors le James Webb, on va peut-être en parler plus tard, mais le James Webb, c'est un outil fantastique pour observer l'univers lointain, et notamment l'univers qui avait 3, 4 milliards d'années, mais c'est aussi un outil fantastique pour observer l'univers proche. Et donc, toujours pareil, hein, c'est un télescope infrarouge, donc grâce à ça, on peut voir à l'intérieur des nuages la formation d'étoiles en action. Et donc, NGC 346, c'est une nébuleuse de gaz qui est tout près de nous, en fait, qui est située dans le petit nuage de Magellan, comme c'est tout près de nous, on peut voir vraiment des détails incroyables avec le James Webb, qui est un télescope énorme avec une précision absolument diabolique. Et en plus, donc comme je le répète, c'est un télescope infrarouge. Et ben on peut voir pour la première fois à l'intérieur de ces nuages de gaz avec une précision absolument jamais vue la formation des étoiles en action. Alors il se trouve que c'est pas n'importe quelle nébuleuse, c'est donc une nébuleuse qui est située dans une galaxie satellite de la Voie lactée, hein, le petit nuage de Magellan. Cette galaxie satellite, donc faut imaginer une petite galaxie qui tourne autour de la grosse Voie lactée. Et les petites galaxies, même aujourd'hui, hein, elles ont une propriété intéressante, c'est qu'elles sont très peu riches en métaux. Donc c'est des galaxies qui sont pauvres en métaux, et qui typiquement vont former des étoiles de population 2. Donc en fait, cette nébuleuse, c'est une sorte de laboratoire que l'univers, dans sa grande sagesse, a mis juste à côté de nous pour étudier les étoiles du midi cosmique. Grâce à ça, on peut étudier la formation de ces étoiles de population 2 qui sont typiques d'un univers bien plus ancien. Mais cette nébuleuse est juste là, à côté de nous, et on peut la regarder avec le James Webb. Oui, c'est ça, c'est que Jacques Delabrouille, NGC 346 forme actuellement des étoiles de population 2, donc autrement dit avec les mêmes caractéristiques que les étoiles qui se seraient formées au moment du midi cosmique. Oui, c'est ça, et comme le disait Romain, c'est pour cette raison bien simple qui est que dans les grosses galaxies, on a déjà eu un milieu interstellaire qui s'est enrichi en métaux, alors que dans les petites galaxies, ça n'a pas eu lieu encore. Tout simplement parce que ce sont des galaxies qui sont plus petites, elles étaient probablement à l'origine moins denses, et donc il y a eu moins de formation d'étoiles dans le passé, et donc il y a eu moins d'enrichissement dans ces galaxies avec des atomes lourds. Et donc, dans le petit nuage de Magellan en particulier, on peut observer donc ces régions qui sont très pauvres en métaux, donc métaux ça veut dire tous les atomes dans notre jargon qui ne sont pas de l'hélium ou de l'hydrogène, et où on voit se former donc des étoiles qui vont avoir les mêmes caractéristiques, hein, puisque je rappelle que les étoiles de population 2, ce sont des étoiles qui sont sensiblement moins riches en métaux que le Soleil, mais qui en ont déjà un peu. Donc on voit donc ces étoiles se former dans le petit nuage de Magellan. Voilà, c'est un labo tout près de chez nous qui nous permet d'étudier la formation d'étoiles telle que ça se passait au moment du midi cosmique. C'est ça, alors tout près, c'est relatif puisqu'on est quand même à 200 000 années-lumière. Donc voilà, on ne va pas y aller tout de suite, c'est quand même à l'extérieur de notre galaxie, mais effectivement à l'échelle de l'univers, ça reste tout près. Hein, on est à 200 000 années-lumière alors que quand on regarde à 10 milliards d'années-lumière, bah, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Alors plus proche de nous, il y a la plus vieille étoile de notre galaxie, Romain Tessier. Dans notre Voie lactée, on a une galaxie qui s'est formée justement lors de ce midi cosmique. Alors, effectivement, alors je tiens à préciser que je suis un spécialiste des galaxies, donc les étoiles, c'est moins mon domaine de compétences, mais effectivement, ce qui est très intéressant quand on étudie notre propre Voie lactée, donc vraiment chez nous, c'est qu'il y a tout un tas d'étoiles avec des caractéristiques, notamment en ce qui concerne les métaux, qui sont très variées. Donc, on a des étoiles très vieilles qui sont très pauvres en métaux, mais qui sont dans notre Voie lactée. Et ces étoiles-là, on peut les voir. Alors, il y a toute une gamme d'étoiles. Il y a aussi des étoiles très jeunes. Alors, le Soleil, par exemple, c'est une étoile qui a 4 milliards d'années à peu près. Donc, elle est plutôt jeune, parce qu'on date le midi cosmique plutôt il y a le double hein, à peu près. Donc, le Soleil, c'est une étoile de population 1, plutôt riche en métaux. Mais on voit des étoiles de faible composition métallique qui sont dans la Voie lactée. Et c'est un peu des artefacts archéologiques, si vous voulez, de l'univers il y a 8 ou 9 milliards d'années, l'univers du midi cosmique, qu'on voit avec ces étoiles âgées, faibles en métaux, et qui composent en fait cette population ancienne d'étoiles dans notre Voie lactée. Cette plus vieille étoile de notre galaxie, c'est une naine blanche rougeoyante à 90 années-lumière de nous. Peut-être un peu géographiquement située, cette étoile de type 2, si on peut décrire la morphologie de la Voie lactée pour comprendre où elle se trouve, Romain Tessier. Oui, donc en fait, quand on fait un peu l'archéologie de la Voie lactée, on s'aperçoit que ces étoiles vieilles, ces étoiles anciennes, elles sont localisées dans ce qu'on appelle le disque épais. Donc, la Voie lactée, en fait, c'est un écosystème très complexe. Donc, le Soleil, lui, est plutôt en périphérie de la Voie lactée. Et le Soleil est plutôt une étoile jeune, donc qui fait partie de ce qu'on appelle le disque fin. Donc, ces étoiles très jeunes, elles sont situées très près du plan du disque. C'est un peu, si vous voulez, comme un système planétaire qui tourne autour du Soleil, avec des planètes qui tourneraient autour du Soleil. Là, en fait, c'est des étoiles qui tournent dans la galaxie. Et qui forment un disque très fin. Donc ça, c'est l'étoile jeune, le disque fin, alors que les étoiles anciennes, elles forment un disque beaucoup plus épais, donc un peu comme un donut, un peu comme une crêpe un peu épaisse, si vous voulez. Elles sont en fait dans ce disque épais. Pourquoi? Parce qu'elles se sont formées il y a plus longtemps, lorsque la galaxie était plus riche en gaz, il y avait plus de phénomènes violents, plus d'accrétion. La formation de l'étoile était tout simplement plus intense, c'était le midi cosmique. Et donc, en fait, ces étoiles constituent ce disque épais qui est une trace archéologique à l'intérieur de la Voie lactée de cette époque du midi cosmique. Jacques Delabouille, à l'instar de la nébuleuse NGC 346, la Voie lactée peut-elle actuellement former des étoiles de population 2? Est-ce que notre galaxie contient encore des zones suffisamment pauvres en métaux pour produire des étoiles de ce type-là? Alors, le gaz dans notre galaxie, il a quand même déjà été brassé pas mal, ce qui fait que le taux de métaux dans la galaxie est quand même assez homogène. Alors, c'est pas complètement homogène. En fonction de la distance au centre et en fonction aussi de la distance au disque, on va avoir des taux de métallicité qui vont varier, mais ils vont pas varier de façon par plusieurs ordres de grandeur. Ça va plutôt être de l'ordre d'un ordre de grandeur. Et donc, dans notre galaxie, alors on peut pas dire hein, s'il y avait un coin où miraculeusement il n'y a pas eu encore d'enrichissement en métaux, on pourrait très bien avoir la formation d'étoiles de population 2, mais il faudrait à la fois avoir suffisamment de gaz et ne pas avoir de métaux, et donc ça me paraît relativement peu probable. Romain Tessier? Oui, en fait, c'est là où le rôle que jouent les galaxies satellites, comme le petit nuage de Magellan, est fondamental, puisque ce sont des galaxies qui sont différenciés, qui sont loin, enfin qui sont un peu plus loin que la Voie lactée, et donc le gaz n'a pas encore été brassé par le milieu interstellaire turbulent, et donc ces galaxies satellites ont gardé un peu leur composition en métaux d'origine et qui est beaucoup plus faible que la Voie lactée. Alors que tout le gaz qui a été absorbé par la Voie lactée effectivement a été brassé, et ce brassage est assez rapide en fait. En quelques dizaines, vingtaines de millions d'années, ce qui est très rapide hein, pour nous, on pense que les métaux se retrouvent complètement mélangés dans la Voie lactée, et donc on a une espèce d'uniformisation de la composition en métaux dans la Voie lactée qui est assez rapide. Donc il faut vraiment des galaxies satellites qui n'ont pas encore été en contact avec la Voie lactée, qui gardent leur composition métallique d'origine, et c'est là où on peut voir des étoiles de population 2 comme la nébuleuse dont on a parlé tout à l'heure. Alors, quelles sont les techniques et les technologies utilisées par les astronomes pour étudier ces étoiles, ces époques-là et ces périodes ? Si reculé, restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Jacques Delabrouille et Romain Tessier, nous parlons du midi cosmique. Avant cette période prolifique, l'univers dans ses débuts a connu la période des âges sombres, puis celle de l'aube cosmique où les premières galaxies se sont formées. On en parle avec vous, Céline Lausanne, bonjour. Vous êtes allée au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère de l'Observatoire de Paris pour voir comment il est possible d'examiner cette période clé. Oui, via les ondes radio, on arrive à sonder l'aube cosmique jusqu'à environ 180 millions d'années après le Big Bang, une période marquant le début de la rayonisation avec la formation de première génération d'étoiles. Mais pour observer cette période foisonnante, il faut déjà arriver à filtrer les signaux d'intérêt dans l'ensemble des messagers qui baignent le cosmos. Florent Mertin et Benoît Semelin y parviennent en traquant un élément témoin, la ligne de transition à 21 cm de l'hydrogène neutre, une sorte de signature qu'on capte grâce au radiotélescope et qu'on analyse ensuite avec des modèles numériques pour tester les théories de formation stellaire. De nos jours, l'hydrogène neutre, on le trouve uniquement au sein des galaxies. Pendant l'époque de la rayonisation, en fait, c'était l'inverse. On le trouvait dans le milieu intergalactique. Parce que les jeunes galaxies naissantes, chauffaient par leur rayonnement, chauffaient et ionisaient tout l'hydrogène qui les entourait jusqu'à des distances qui petit à petit grandissent autour de la galaxie. Donc elles creusent des bulles ionisées autour d'elles dans l'univers. Et à l'image d'un gruyère, en fait, le signal 21 cm n'est émis que dans les zones où il n'y a pas de trou, par le gruyère lui-même. Et en fait, non seulement il est émis là, mais son intensité à ces endroits-là contient la trace de toutes les propriétés de ces premières sources de lumière. Ces premières sources de lumière, ça peut être de jeunes galaxies, ça peut être des quasars au centre des galaxies, les quasars qui sont en fait des disques de matière en rotation autour de trous noirs centrales des galaxies et qui émettent un rayonnement extrêmement puissant. Et donc toutes ces sources de lumière laissent leur empreinte dans le signal à 21 cm. Si on est capable de le décoder, de décoder cette empreinte, on apprend énormément de choses sur la population des sources de lumière primordiales. Donc nénuphars, c'est un ensemble d'antennes composé de 80 îlots, chacun composé de 19 antennes. Et de cette manière, on arrive vraiment à capter des signaux très lointains et à recomposer des phénomènes tels que les premières étoiles associées à cette aube cosmique. Exactement, la sensibilité de l'instrument est très importante. Il nous faut quand même observer de nombreuses heures sur un champ précis, un champ profond, pour pouvoir atteindre la sensibilité nécessaire à l'observation de ce signal 21 cm. Mais le nénuphar est très... La spécificité de nénuphar est que c'est à ces fréquences l'instrument le plus sensible. Alors c'est vrai que le site est assez isolé dans la Pampa au cœur de la France, mais comment vous arrivez à filtrer tout le bruit ambiant pour avoir l'information d'intérêt ? Oui, le site de Nancy est protégé au niveau radiofréquence des interférences par la réglementation. Et il y a tout un traitement du signal pour les enlever. À des moments où les interférences sont trop fortes, juste on coupe cette partie d'enregistrement de nos observations. Mais ce qu'il faut ajouter de toute façon, c'est que même si on se débarrasse de toutes les interférences d'origine terrestre, mais à ces fréquences-là, le signal 21 cm de l'époque de la rayonisation n'est pas du tout le seul signal astrophysique qu'on reçoit. Il y a des signaux qui viennent de notre propre galaxie et qui sont 10 000 fois plus puissants. Et alors, pour parvenir à filtrer le bon grain de l'ivraie, vous avez des outils informatiques très puissants pour ça, j'imagine. Donc on a développé des méthodologies qui nous permettent de distinguer les différentes signatures entre ces différents éléments, et notamment pour pouvoir obtenir une signature du signal à 21 cm, on utilise des simulations du signal à 21 cm qui sont notamment produites par un code de simulation ici au LIRMA. Ici, c'est en fait un champ d'une vingtaine de degrés de rayon autour du pôle nord céleste. L'intensité radio alors, et la couleur des notes est proportionnelle, enfin, dépend de l'intensité radio, et donc les points rouges ici sont des sources ponctuelles qui peuvent être des galaxies, qui peuvent être d'autres types de sources, et qu'on va petit à petit lors du traitement, comme ce n'est, nous, le signal qu'on recherche est une sorte d'ondulation dans l'image, et c'est continu sur toute l'image, et de toute façon, c'est 10 000 fois moins brillant que ce qu'on voit sur cette première image. Petit à petit, on fait disparaître toutes ces sources ponctuelles pour arriver progressivement, on l'espère, à un moment, ne plus avoir que le signal. On en parlait tout à l'heure, c'est surtout sur les sources d'interférences locales qu'il faut qu'on travaille. Est-ce que de tous ces travaux, est-ce qu'on peut espérer répondre à des nouvelles questions ou même à s'attendre à découvrir des phénomènes propres à cette période de la rayonisation de l'aube cosmique ? Alors, au-delà de ce à quoi on s'attend de manière tout à fait logique, qui est de caractériser les populations des sources de lumière pendant l'époque de la rayonisation, des modèles cosmologiques alternatifs, potentiellement, laissent une trace eux-mêmes sur les propriétés du signal à 21 cm. Donc, à une échelle relativement longue, hein, là on est en train de parler de 20 ou 30 ans, parce que non seulement il faudra l'avoir détecté, mais il faut l'avoir détecté précisément pour en extraire de plus en plus d'informations, le signal à 21 cm a le potentiel de concurrencer ou de compléter d'autres sondes cosmologiques, comme le fond diffus cosmologique, pour contraindre non seulement le modèle standard de la cosmologie, mais éventuellement aussi des modèles alternatifs. Ça fait partie du potentiel du signal à 21 cm. Ensuite, quand on sera capable de l'imager, de construire des images du signal, ça nous donnera la possibilité de le comparer à d'autres types d'observations, par exemple des galaxies. Si on a des bulles, une grande bulle ionisée, ça veut dire qu'au centre de cette grande bulle ionisée, il doit y avoir une galaxie très brillante. Et être capable de comparer les propriétés de cette galaxie, par exemple observée avec JWST, le James Webb Space Telescope, et l'observation de la bulle ionisée directement autour de cette galaxie, nous donne énormément d'informations pour caractériser le processus de la rayonisation. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Jacques Delabroux, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, donc ce qui est très intéressant avec cette observation de l'arrêt à 21 cm, c'est que l'arrêt, elle est émise à 21 cm, c'est 1,4 GHz en fréquence. Donc c'est dans le domaine radio, mais en fait, plus on observe cette raie loin, plus elle est décalée et donc à des longueurs d'onde plus grandes. Donc ça va être, ça peut monter jusqu'à 1 mètre, voilà, si on remonte à un décalage spectral de 4, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que si on observe dans toute une gamme de longueurs d'onde, à chaque longueur d'onde, on va avoir une image de l'univers à une certaine distance de nous. Et donc, ça nous permet de faire des images tridimensionnelles de l'univers. Contrairement au fond diffus cosmologique, où en fait, on a juste une photo de l'univers tel qu'il était sur une surface centrée sur nous, quand l'univers avait 300 000 ans environ, un peu plus, là, on peut avoir en fait des images de l'univers, de la distribution du gaz dans l'univers au cours des âges. Et donc, on voit aussi comment ces surdensités, comment ces structures de gaz vont évoluer au cours des âges pendant justement ces périodes très anciennes. Romain Tessier, une réaction vous aussi au reportage qu'on vient d'entendre ? Oui, ce qui est intéressant aussi dans cette ray à 21 cm, c'est que en fait, on va voir les âges sombres. Donc, c'est paradoxal, mais normalement, les signaux, je dirais, astronomiques classiques sont sensibles à la formation d'étoiles, et donc dans les âges sombres, il n'y a rien, c'est la nuit, au niveau de la formation d'étoiles. Par contre, la ray à 21 cm, elle provient de l'hydrogène neutre, qui justement peuple la majorité du volume de l'univers pendant les âges sombres. Et alors effectivement, la rayonisation va créer des trous dans ce signal qui vont petit à petit grossir et faire disparaître complètement le signal lorsque la rayonisation est finie, donc la fin des âges sombres. Et à ce moment-là, il n'y a plus de ray à 21 cm, à part à l'intérieur des galaxies, où là, dans le milieu interstellaire, le fameux milieu interstellaire qui forme les étoiles, on recrée du gaz neutre et des molécules qui vont, à ce moment-là, réémettre dans l'arrêt à 21 cm. Mais ce sont des petits points tout petits qui constituent donc l'intérieur des galaxies. Alors que ce dont on a parlé avec ce reportage, c'est que lorsque l'univers est très jeune, pendant les âges sombres, l'arrêt à 21 cm permet de mesurer la distribution de matière qu'on ne pourrait pas voir autrement. Jacques Delabouille, je voulais conclure cette émission avec ce reportage parce que il me semble qu'aujourd'hui les galaxies de l'aube cosmique sont un vrai challenge qui devient maintenant plus grand que celle du midi cosmique. Aujourd'hui, c'est cette période, celle de l'aube cosmique, que les astronomes cherchent aujourd'hui à sonder et que la course à la galaxie la plus lointaine suscite une vive compétition. Oui, le problème, c'est que plus les galaxies sont loin, plus elles sont difficiles à observer. Et plus elles sont moches. elles sont difficiles à observer pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elles sont loin, donc effectivement, la lumière émise est diffusée dans tout l'univers. Donc, on en capte seulement une petite partie. Et puis aussi, donc, à cause de l'expansion de l'univers, l'émission, elle est décalée vers des longueurs d'onde plus grandes. Et donc, il faut observer dans un domaine de longueur d'onde qui est dans l'infrarouge, infrarouge moyen, infrarouge lointain. C'est intéressant d'utiliser l'arrêt à 21 cm parce que, en fait, ça permet de regarder les structures avec en fait une sonde qui est bien comprise. La difficulté, c'est que bien sûr, il y a beaucoup d'émissions qui sont, comme on l'entendait dans le reportage, il y a des émissions qui sont beaucoup plus fortes que le signal qu'on cherche à détecter. Et puis, bien sûr, quand on observe depuis la Terre, on est pollué en fait par toutes les émissions émises par nous, quoi. Merci à vous deux. Dans quelques instants, on va revenir sur Terre avec la chronique Avection. Parmi les questionnements scientifiques qui restent en suspens à propos de cette période du midi cosmique, l'une des grandes énigmes restantes, c'est la nature du gaz qui compose les galaxies du midi cosmique. Merci beaucoup Jacques Delabrouille, merci Romain Tessier. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbault qui nous parle aujourd'hui du bilan carbone de l'agriculture urbaine. C'est la chronique avec science. Quel est le bilan carbone de l'agriculture dite urbaine, ce qui désigne autant ces jardins partagés en arrière-cour que les pieds de tomates disposés à la verticale sur le toit des immeubles, des parcelles plus ou moins étendues, privées ou professionnelles, qui ont pour caractéristique commune de pousser au cœur des villes et dans les zones périurbaines, mais pas seulement. Selon la définition de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'agriculture urbaine, c'est toute la production agricole qui se fait en lien avec la ville. En clair, des champs de céréales au bord de l'Île-de-France vendus à un autre pays, ça n'en est pas. En revanche, des salades produites en périphérie par et pour la ville, c'est bien de l'agriculture urbaine. Et depuis cette définition posée en 1999, la question se pose de savoir si l'agriculture urbaine est véritablement moins gourmande que l'agriculture conventionnelle en carbone. Agnès Lelièvre est maîtresse de conférences en agronomie à AgroParisTech. Alors, il y a eu des études, généralement plutôt des cas d'études où on étudie une ferme en particulier et on la compare à la moyenne des importations. En particulier, Eric Adore a fait sa thèse sur l'analyse de bilan carbone en comparant deux fermes et puis comparer l'importation de produits qu'elle remplace. En fait, on se pose beaucoup la question de l'impact carbone, surtout des fermes high-tech, les fermes verticales, les productions en intérieur avec des LED, avec énormément d'énergie qui est consommée et beaucoup d'investissements. Mais jusque-là, on ne s'était pas vraiment posé la question de l'impact carbone de l'agriculture low-tech, ce qu'on appelle low-tech, hein, utilisant beaucoup du bois, récupérant des eaux pluviales. L'agriculture high-tech est productrice de CO2, mais qu'en est-il de la low-tech? Dans cette nouvelle étude, ces scientifiques se sont associés à des jardiniers, à des bénévoles de jardins communautaires et à des gestionnaires de fermes urbaines, donc de toutes les tailles. Au total, 73 sites différents ont été inclus à New York, Paris, Nantes, Dortmund en Allemagne et Gorzów en Pologne et Londres pour établir un bilan carbone de la production et uniquement de la production. Il n'est pas question question de transport vers le consommateur. Ce qui est comptabilisé ici, ce sont toutes les infrastructures nécessaires à la production. Le bac en bois pour le compost, l'arrosoir, les tuyaux, les bâches, de l'énergie et de l'eau bien sûr, la fertilisation et les traitements phytosanitaires. Et résultat de cette étude parue dans Nature Cities, l'agriculture urbaine, privée ou professionnelle, a une empreinte carbone par kilo produit 6 fois supérieure à l'agriculture rurale conventionnelle. On s'imagine toujours que, ben, comme on est dans son petit jardin, qu'on fait soi-même, on pourrait s'imaginer que le bilan carbone serait bon. Et finalement, on se retrouve un peu comme notre agneau français face à l'agneau de Nouvelle-Zélande. Hein. On est moins efficace. On ne s'y attendait pas forcément au démarrage, mais en y réfléchissant, on n'est pas si étonné. Par exemple, sur la question du recyclage des déchets de la ville, on a affecté dans cette étude tout le bois, par exemple, qui sert à faire un bac de culture, tout le broyat, on a affecté les gaz à effet de serre issus de cette production-là à la production. Alors que si on imagine que votre jardin il est fait avec du bois de réemploi, en fait, on ne devrait pas y affecter cette partie de gaz à effet de serre. Donc, ça permet aussi d'alléger, imprimer le bilan carbone. Et aussi, ce que montrait l'étude, c'est que si on rallonge la durée de vie de notre ferme urbaine, au lieu de que la ferme elle vive que 5 ans, mais elle reste 10 ans ou 15 ans, on va diviser son empreinte carbone énormément. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est qu'en fonction du type d'agriculture, malgré tout, on voit aussi que l'agriculture professionnelle, ceux dont c'est le métier de produire en ville, ont une meilleure efficacité parce qu'ils ont un meilleur rendement aussi. Cette étude casse donc un petit peu les idées reçues sur une agriculture urbaine économe en carbone. Mais faut-il rejeter purement et simplement l'agriculture urbaine pour autant ? Probablement pas. D'abord parce que le bilan est un petit peu surestimé en attribuant le CO2 produit par les matériaux pourtant recyclés. Ensuite, parce qu'il y a des leviers d'action pour alléger ce bilan en allongeant la durée de vie des fermes ou en faisant produire des denrées qui sont gourmandes en carbone dans l'agriculture conventionnelle par le transport. Par exemple. Et pour finir, parce que l'objectif premier de l'agriculture urbaine n'est pas nécessairement la production. Toutes les fermes étudiées dans cette étude avaient une visée pédagogique et ou d'insertion. Il y a donc une dimension sociale qui n'a pas été prise en compte et qui sera étudiée à l'avenir selon ses auteurs. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Céline Lausanne, Eve Etienne, Bruno Sansini. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Olivier Arnay. Vous pouvez nous écouter partout en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui. Madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît ? La main ? Qu'est-ce que c'est ? Votre cerveau, saison 5, réalisé par Louise André sur franceculture.fr et l'appli Radio France.